de la place, revois la traque sur un fond de rock et de rap. Si je tombe du piédestal, lève tes bras, faut que tu me rattrapes. J'ai la dalle, autant que la première fois. Alors écoute-moi, si le rap est mort, c'est parce que je lui ai mis un coup de choix. Parce que tu ne tolères pas le concept. Guitare électrique et flow rapide, ambiance concert. Montée d'adrénaline, allez prier. La température monte, on entend même les meufs crier. Partez, c'est l'apogée, j'suis venu me démarquer, écarter. Vous là-bas, les loger dans le synthé, en synthé. L'instrumental de mon flow est squinté, sera ce qui s'imposera pour me feinter. Je débite des rimes et des flots qui vont faire la diff. Poto, si tu veux du lourd, je te ferai ton tif. Rafale de phase de sale rime sur le beat. Passe le sale amourage de ma part, ça y est, on est quitte. Tout le monde crie oh, c'est le retour de trap, passez-moi le micro. Saignez les guitares, source, on a l'écro. Décharge électrique de 89 feet flow. Levez les bras en l'air, tout le monde crie oh, c'est le retour de trap, passez-moi le micro. Saignez les guitares, source, on a l'écro. Décharge électrique de 89 feet flow. Crois-moi que mon estomac est énorme. Si je te réponds pas, c'est que tes façons viennent pas à mes normes. Me les casse pas, l'absence de producteur s'en charge déjà. Moi je reste indépendant, mais toi tu restes dépendant de moi. J'ai passé l'âge pour les clashs et les compétitions. J'ai grimpé les étages sans avoir dévié ma direction. J'ai atteint les nuages tout en gardant un œil sur terre. Un cas de chute me ferait mal car je mets plus de pompe à bulle d'air. Gros, quand il s'agit de son, j'suis comme Tago. J'ouvre grand ma bouche pour te faire kiffer dans ta vago. Dans quelques temps tes seufs me crieront bravo. Tu regretteras d'avoir mis du seum dans mes travaux. Plus que 4 mesures pour arrêter les flammes. J'ai pas le casier de Mérine pour te parler des armes. J'ai pas la plume d'un beau parleur pour te sécher tes larmes. Simplement un micro dans la main pour faire péter la salle.